Watchmen, Tchkloukoubop. Savez tout ce qu'il faudra écouter sans arrêter toute l'année. C'est le bebop, il faudra laisser tomber les chanteurs pleins de douceur et de candeur. Pour le bebop, je vous dis que ce sera bien porté de fredonner, de chantonner comme un bebop. Cherchez tout de suite avec ardeur un professeur un peu à la hauteur. Pour le bebop, je vais vous aider pour les première leçon, je vais vous guider avec la plus grande attention. Toutes les branches de l'activité seront visées, c'est sûr et c'est réglé par le bebop. On doit s'habiller, se promener, manger, danser et même s'aimer à la bebop. Ah, l'aléa, allô, l'aléa, à vous il est prêt, à vous il est bas, on parle et le bamba, le bamba. D'abord il faut un béret, grenade sous les plats et des colbas pour être bebop. Et puis vous laissez pousser la barbiche, mais on s'en fiche qu'elle soit postiche. On est bebop, vous devez porter des bretelles de soie, couleur lilas ou chocolat, ça fait bebop. Et pour vous mesdames c'est plus riche, un petit caniche royal avec sa liche, c'est très bebop. Nous irons danser à Saint-Germain-des-Prés, où les amoureux font tous du bebop de par deux. On s'embrasse tous du soir au matin comme du bon pain à pleine main chez les bebop. Vraiment pour être toujours plein d'entrain, venez n'attendez pas demain, soyez bebop.